Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 juin 2016. Voici les grands titres de ce journal. Les Nations Unies ont décidé de ne pas remplacer les unités de police burundais se trouvant en mission de maintien de la paix en Centrafrique. On fait le point dans ce journal. Le député Agathon Rwasa a désormais interdit de rencontrer la population dans ses tournées à travers les provinces du pays. Le ministère de l'Intérieur explique que ses visites se transforment en meeting politique. Montage, rétorque cet élu du peuple perçu par nos confrères du groupe de presse Iwachu comme un allié redouté. 200 kg de chanvre ont été saisis par la police hier. Le conducteur de la voiture qui embarquait ses stupéfiants se trouverait dans un état critique pour avoir eu un accident quand la police est intervenue. Et une centaine de jeunes Burundais arrêtés samedi en Tanzanie ont été remis à la police en province de Muyinga. Ils disent qu'ils travaillaient dans les plantations de tabac dans ce pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, voici le développement de ces titres. Le député Agathon Rwasa est premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'insurge contre les gouverneurs des provinces de Cibitoke et Karusi qui ont suspendu la semaine dernière ses descentes dans ces entités administratives. Selon cet élu du peuple, de tels agissements prouvent à suffisance que ces autorités ne savent pas le rôle d'un député. Ma réaction est vraiment une réaction plutôt mitigée parce que je trouve que les administratifs ne parviennent pas à faire la différence entre le domaine public et le domaine politique. Parce que pour eux, tout est réduit à l'appartenance politique. Et là, on oublie même que dans ce pays, il n'y a pas que des partis politiques. Il y a des institutions. Moi, j'ai fait mes descentes en tant que parlementaire. Et ça, c'est une erreur qu'il faut absolument corriger. De plus, le Burundi n'est pas une prison dont les geôliers sont le parti au pouvoir. Les Burundais doivent être libres. Les Burundais ne peuvent pas être comme des otages de ceux qui dirigent ce pays. C'est même triste de voir qu'on force les gens à aller à la rencontre des autorités issues du parti CNDD-FDD et qu'on enferme même les gens lorsque c'est une autre autorité qui n'est pas du CNDD-FDD. C'est vraiment ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Donc, moi, je me dis que les alibis qu'ils essaient de prendre et d'avancer comme allégations sont juste à non-sens. Ils devraient assumer qu'ils ne parviennent pas à distinguer la chose publique des affaires partisanes et sectaires, et c'est ça même qui mine cette société, qui mine ce Burundi. Agathon Rwasa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui trouve non fondée l'accusation portée contre lui comme quoi il a changé ses descentes en meeting politique. Suivez-les encore. C'est qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un meeting politique. Je n'ai jamais parlé de politique, je n'ai jamais fait mention des partis politiques en aucune occasion. Je n'avais même pas un petit mégaphone à pile. Même les instruments pour animer un meeting, je n'en disposais pas. Comment est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à parler ce type de langage? Jusqu'à quand le pouvoir ou les agents du pouvoir vont procéder par des montages rocambolesques pour se justifier dans les erreurs qu'ils commettent, dont ils sont auteurs chaque fois? Ils devraient quand même être conscients que ce Burundi, c'est un Burundi de tous les Burundais. Ils sont au pouvoir, c'est bien, mais autant ils ont accédé au pouvoir, ils doivent comprendre qu'un jour, on peut toujours quitter le pouvoir. Le pouvoir, c'est temporaire, mais la nation est pérenne. On est tous à l'œuvre pour que cette nation aille toujours de l'avant. Raison pour laquelle les querelles politiciennes, les querelles qui sont beaucoup plus le produit du sectarisme, c'est pas ça notre préoccupation, c'est pas ça notre affaire. Celui qui vous écoute, Agathon Rwasa, peut penser à un divorce avec le pouvoir auquel vous participez. Non, il n'y a pas de divorce parce qu'il n'y avait pas eu de mariage. Moi, j'ai intégré les institutions pour servir la nation, mais pas pour servir un parti politique quelconque. D'ailleurs, vous le savez, ils m'ont usurpé le parti FNR et ils font tout pour que le parti FNR ne soit plus. Ils cherchent définitivement à enterrer le parti FNR. Mais je crois que ça, c'est vraiment une chimère. Tout ce que je peux dire, c'est que tant que ceux qui sont au pouvoir confondent les affaires de l'État avec les affaires de leur parti, eh bien, on a une bonne route à faire. Raison pour laquelle je les invite plutôt à faire une analyse judicieuse et prendre la bonne direction. On ne peut pas assimiler la République du Burundi à un parti X ou Y, que ce soit aujourd'hui, comme cela était hier, que ce soit demain. Agathon Rwasa était au téléphone avec Évariste Nzikobanyanga. C'est désormais officiel. L'Organisation des Nations Unies a décidé de ne pas remplacer les unités de police burundais se rendant en Centrafrique lorsqu'elles arriveront au terme de leur mission. Selon des informations tirées du journal Jeune Afrique, l'ambassadeur du Burundi à New York dit n'avoir pas été informé de cette décision. Le point avec Aubin Niyonguru. La mission du Burundi à New York n'a jamais été informée que l'ONU aurait décidé de ne pas renouveler ses unités de police. Telle est la réaction de l'ambassadeur du Burundi à New York, Albert Shingiro. Mais selon le site du journal Africa News, le porte-parole de la mission de maintien de la paix en Centrafrique a confirmé que cette mesure a été prise compte tenu de la situation politique actuelle du Burundi. Cette décision, selon le journal Jeune Afrique, suit les accusations actuelles d'atteinte sérieuse et persistante aux droits de l'homme au Burundi, a précisé Stéphane Fella, conseiller principal de Casque Bleu sur les questions policières. Contrairement aux policiers, aucune décision n'a pas pour l'instant été prise concernant les 840 militaires burundais qui participent à la MINUSCA. Le responsable de l'ONU indique toutefois qu'ils étudient le cas des soldats burundais. Pour les unités de police concernées, leur effectif s'élève à plus de 270 hommes. Merci, Aubin Niyonguru. Plus de 100 jeunes burundais arrêtés ce samedi en Tanzanie ont été remis à la police en province de Muyinga. Ces jeunes sont pour le moment détenus au centre jeune Muyinga où ils subissent un interrogatoire. Ces derniers indiquent qu'ils travaillaient dans des plantations de tabac en Tanzanie. Les précisions de notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. La centaine d'hommes, majoritairement de jeunes, affirment qu'ils venaient de passer entre 6 et une année en Tanzanie, à Urua, de la province de Shinyanga. Ils ont été interceptés alors qu'ils retournaient au Burundi après avoir terminé leurs travaux dans des plantations de tabac. Tous étaient engagés chez un seul propriétaire terrien, Dino Domanjala. Leur arrestation a été effectuée au poste de frontière de Kabanga en Tanzanie, puis remis à la police burundaise. Ce groupe inquiète d'après des sources policières. C'est pourquoi pendant la soirée de samedi, on a fouillé leurs bagages et puis les enquêtes se poursuivent. Au centre jeune de Muyinga, où ils sont internés, servait normalement de lieu de culte pour les fidèles de l'église CMCK. Ce dimanche, ils ont été obligés de rebrousser chemin vers les maisons où ils vont continuer leurs prières. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci de donner dans la suite de ce journal, je vous disais en titre, 200 kg de chanvre ont été saisis ce samedi matin par la police au niveau de l'endroit communément appelé Chanique au quartier industriel. Ce stupéfiant a été dissimulé dans trois gros sacs chargés à bord d'une voiture de type Carina qui appartiendrait à un certain fidèle habitant la zone Kamingé en commune urbaine de Nahangwa. Le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, a indiqué que la voiture en question avait été accidentée lorsque la police est intervenue. Son conducteur se trouve dans un état critique. Le porte-parole de la police qui précise que ce chanvre venait de la République démocratique du Congo. L'unité spéciale anti-stupéfiant a déjà remarqué deux accès principaux, la RDC et la Tanzanie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les abandons scolaires ont plus que doublé en effectif au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de l'année scolaire en cours dans la province scolaire de Rumonge. Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement, propose une synergie des partenaires dans ce secteur pour stopper ce phénomène. De Rumonge, nous appelons Jean-Pierre Misako. Selon Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, les chiffres des abandons scolaires au deuxième trimestre sont passés du simple au double par rapport à ceux du premier trimestre. Nous voyons que les chiffres montent d'un trimestre à un autre. À titre d'exemple, je pourrais citer que pour les élèves qui fréquentent l'école fondamentale, au premier trimestre, les abandons étaient de 2045, tandis qu'au deuxième trimestre, les abandons se chiffrent à 3879. Pour les élèves qui fréquentent l'école secondaire, Au premier trimestre, le nombre était de 297, tandis qu'au deuxième trimestre, le nombre est élevé jusqu'à 1077. Vous voyez aussi que cette fonction croissante est tellement grave. Au total, dans cette province, les abandons au premier trimestre des élèves étaient de 2342, tandis qu'au deuxième trimestre est de 4956. Adrien Sabushimike dit qu'il faut identifier la cause et agir en conséquence. Pour lui, que ce soit des abandons dus à la pauvreté, aux grossesses non désirées, au désespoir qu'ils ne réussiront pas l'année scolaire en cours vu les résultats du deuxième trimestre ou qu'ils ne seront pas embauchés après les études, les parents, l'administration, les instances judiciaires et les responsables de l'éducation doivent conjuguer leurs efforts pour convaincre les élèves que leur bon avenir est à préparer à l'école. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en Afrique et partout ailleurs dans le monde. À Dakar, au Sénégal, la fin de la 49e conférence des chefs d'État de la CEDEAO a été marquée par la fin de la présidence de Macky Sall, président en exercice depuis un an. Le nom de son successeur a été dévoilé ce samedi 4 juin dans la soirée. Il s'agit d'Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria. C'est donc une femme, c'est pour la première fois, qui devient présidente en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La présidente du Libéria donc prend les commandes pour un mandat d'un an. Le prix Nobel de la paix en 2011 a indiqué sa volonté de travailler sur des axes précis. La sécurité d'abord, avec une obligation. L'idée n'est pas nouvelle, de renforcer la coopération entre les États membres avec aussi l'Union africaine et les Nations unies. Autre point mis en avant par la nouvelle présidente en exercice, l'économie. Ellen Johnson Sirleaf a notamment cité les négociations actuelles entre la CEDEAO et l'Europe sur l'APE, l'accord de partenariat économique. Un accord de libre-échange validé par la quasi-totalité des États, mais que certains parmi lesquels le Nigeria refusent de signer pour le moment. Enfin, comme Macky Sall, durant son année de mandat, Ellen Johnson Sirleaf a rappelé que la priorité était d'assainir les finances de la CEDEAO et que l'argent de l'institution serve avant tout à financer des projets de développement. Hors du continent africain, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle au Pérou ce dimanche 5 juin. 23 millions de Péruviens sont appelés aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Ils devront choisir entre Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, et le libéral Pedro Pablo Kuczynski, ancien ministre de l'économie et des mines. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer définitivement. C'est officiel, je vous le disais, les Nations Unies ont décidé de ne pas remplacer les unités de police burundaises se trouvant en mission de maintien de la paix en Centrafrique. Et le député Agathon Rwasa a désormais interdit de rencontrer la population dans ses tournées à travers les provinces du pays. Le ministère de l'Intérieur explique que ses visites se transforment en meeting politique. Montage, rétorque cet élu du peuple perçu par nos confrères du groupe de Pressy Watch comme un allié redouté. 200 kg de chanvre ont été saisis par la police hier. Le conducteur de la voiture qui embarquait ses stupéfiants se trouverait dans un état critique pour avoir eu un accident quand la police est intervenue. Et une centaine de jeunes Burundais arrêtés samedi en Tanzanie ont été remis à la police en province Muyinga. Ils disent qu'ils travaillaient dans des plantations de tabac. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour la mise en onde. Au micro, Jean-Bosco Nduimana. Très bonne journée dominicale.